Ms. Pope, please report to the principal's office. Ms. Pope, to the principal's office. Et bienvenue à nouveau pour un nouveau podcast de Tout le monde sur Wordlist. Et on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder le minimalisme et l'accessibilité. Est-ce que c'est des choses qui vont ensemble? Est-ce que ce sont de bons amis? Ou est-ce qu'au final, c'est plutôt des frères ennemis? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va pas forcément ensemble. Je pense qu'on vit dans une communauté où rendre le jeu de rôle accessible et faire jouer un maximum de monde a souvent été un sacerdoce. Pourtant, le jeu de rôle qui se vend, le jeu de rôle qui explose le compteur de souscription, le jeu de rôle dont on parle le plus souvent, c'est un jeu de rôle à forte pagination et qui est également le plus souvent un jeu de rôle assez peu modulaire. Du coup, est-ce qu'on veut réellement rendre le jeu de rôle plus accessible? Ou peut-être que cette accessibilité nécessite pas forcément une approche plus minimaliste. Voire qu'au contraire, l'approche minimaliste a des aspects trop exigeants qui rebutent encore certaines. C'est une discussion qui agite souvent la communauté et que j'aurais souhaité évoquer ici avec vous. Et donc, pour en parler, j'ai donc décidé d'inviter trois personnes qui ont été amenées à pas mal réfléchir dessus, avec des approches sûrement plutôt différentes, mais qui pourraient sûrement se rejoindre. Alors, je voulais commencer par Gaël. Gaël, tu es avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Bienvenue Gaël. Est-ce que tu peux te présenter, indiquer tes pronoms, comment tu te genres? Et ouais. Donc nous dire ben, qu'est-ce que tu es venu faire ici sur ce sujet. Ouais, ben moi ça va être Gaël Sacré, ça sera il et tout au masculin. Pour ma part, donc, je suis auteur de jeux de rôle. J'ai publié actuellement Happy et Happy Together en auto-édition, donc en tant qu'indépendant. Et puis je fais aussi des vidéos sur le jeu de rôle, une chaîne qui est actuellement sur YouTube et Dailymotion qui s'appelle Mandala, sur laquelle j'essaie de questionner le jeu de rôle, et c'est tout à fait le genre de questions dont on va discuter ce soir qui m'intéresse beaucoup, notamment à Mandala, pour Mandala, mais aussi pour la création de mes propres jeux. Très bien, ben, je pense que ça va être très intéressant de t'entendre. Je pense que tu es le cobaye idéal pour ce genre de sujet. Et j'ai aussi un autre collègue qu'on peut retrouver également sur les cours alternatifs. Je suis également avec Simon. Salut. Bonjour Simon, est-ce que pareil tu peux te présenter, indiquer tes pronoms, etc. Ouais, bien sûr. Simon, il, masculin. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Du coup, on a sorti donc avec ma femme récemment un jeu qui s'appelle Terre de Sang. Et donc c'est un petit jeu auto-édité. Je pense qu'on peut qualifier de minimaliste. Et voilà. Très bien. Ben, je pense que ça va être l'occasion pour nos auditeurs de le découvrir. Hein. Et j'ai également avec moi Jérémy, avec qui j'ai eu le plaisir d'ailleurs de tester Terre de Sang. C'était un peu mon cobaye de l'époque. On aura donc sûrement l'occasion d'en reparler. Bonjour. Bonjour Jérémy, est-ce que de la même manière tu peux te présenter, indiquer tes pronoms? Ouais, bon, donc moi je suis Jérémy, masculin, il aussi. Moi je suis plutôt un joueur invétéré, insatisfait, on va dire, en recherche de simplicité. Donc c'est un peu un podcast qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui. Et j'essaye de faire plein d'expériences différentes, de tester un peu tout ce qui est tous les petits jeux que je trouve qui sont minimalistes et pour essayer de trouver la perle parmi tout ça. Très bien, moi, je pense que ça va être une confrontation assez intéressante aujourd'hui. Donc moi, je suis Arjuna, j'utilise le pronom « il », et je me genre aussi bien au masculin qu'au féminin. Et donc, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer ce fameux podcast et partir dans des débats enflammés ou pas. Je voulais, avant de commencer notre sujet, démarrer par une citation d'une romancière qu'on ne présente plus, qui s'appelle George Sand, avec qui j'ai le plaisir de partager l'intérêt pour la critique d'ailleurs et les décorations florales dans les jeux. Elle dit la chose suivante, la simplicité est la chose la plus difficile à obtenir dans ce monde, c'est la dernière limite de l'expérience et le dernier effort du génie. Donc ça semble quand même présenter minimaliste comme quelque chose de très exigeant. On va voir ce qu'on... Le premier aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est les jeux minimalistes, c'est fait que les jeux minimalistes soient des jeux plein gameplay. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est vraiment, on lit la base de jeu, on l'ouvre, on touche aux accessoires, et direct, on peut jouer, quoi. Sans avoir une préparation, sans avoir essayé d'assimiler une base de jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer ? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer sur le sujet. Moi, je observais justement, j'aurais envie de dire, pas assez souvent. J'ai très souvent constaté que les jeux avaient quand même un minimum de préparation à faire au départ. Et ça peut être assez frustrant souvent parce qu'il faut que quelqu'un fasse le job. J'ai un peu l'impression de ça. Tu veux dire qu'il y a toujours un boulot d'apprentissage, de lecture et de compréhension du jeu qu'on n'a pas sur une partie de Yams, par exemple ? Ouais, beaucoup moins. Le Yams, ça s'apprend très, très, très vite. Y a la plupart des jeux de rôle, j'ai l'impression, aujourd'hui, alors évidemment, je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup où il faut quand même lire une dizaine de pages, bien comprendre, se refaire les schémas dans la tête, etc., quoi. Et peu sont nombreux, on en a testé quelques-uns, hein, avec toi notamment, où on pouvait justement faire ça au fur et à mesure, mais c'est plutôt l'exception, j'ai l'impression en tout cas. En plus, sur une partie de Yams par exemple, ta première partie, normalement, c'est la bonne. Alors que dans beaucoup de jeux, et a fortiori des jeux qui ont très peu de règles, je ne vais pas dire de contenu, mais... on va dire dans deux paginations, voilà. Souvent, ton premier essai, il est pas fructueux ou il est pas optimal. Ouais, ouais. C'est un peu tout aussi que je vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais, carrément. Peut-être parce qu'on est dans une forme de jeu où c'est beaucoup quelque chose qui doit être transmis en fait. On a souvent des idées bien particulières sur ce qui est une partie de jeu de rôle, et j'ai le sentiment que ces jeux nous réapprennent une nouvelle manière de jouer à chaque fois, et qu'en fait, au final, c'est pas forcément si simple, c'est pas forcément si évident à mettre en place, parce qu'on a quelque chose à réapprendre à chaque fois. Ben, disons que on dirait que les jeux de rôle sont beaucoup centrés autour du système de jeu. C'est quasiment tout ce qui est présenté dans les règles en général. Et c'est ce système qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre avant de pouvoir jouer. Et parfois, c'est peut-être le support qui le veut, mais il y a vraiment une certaine complexité qui est mise en place. Alors moi, j'ai un petit souci avec les dés, par exemple. Je trouve qu'il y a très souvent trop de dés, trop de présence d'objets. Alors je sais qu'il y a un certain fétichisme autour de ça, mais... Voilà, enfin, je pense que ça peut freiner d'autres gens qui ont moins l'habitude de jouer avec ça. Gaël, je crois que ton jeu Happy Together propose justement de lire le jeu, de jouer directement après, voire même de pouvoir faire ça en voyage ou en voiture. C'est quelque chose qui te fait réfléchir, ce dont on parle là, en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour moi, c'était important de... Alors, ce sera pas forcément le cas sur tous mes jeux, mais c'est vrai que sur Happy Together, il y avait cette idée de faire un jeu inspiré du développement personnel, ce genre de choses, et donc qui est plus tourné éventuellement, pas forcément, mais éventuellement vers des non-rôlistes. Et qui dit non-rôliste dit qu'il faut approcher la création de l'objet livre de jeu de rôle comme quelque chose de plus accessible possible pour qu'on puisse effectivement ne pas avoir cet apprentissage préalable et ne pas avoir aussi toute cette tradition orale qu'on a absolument besoin dans beaucoup beaucoup de jeux de rôle où en fait si on nous met le bouquin comme ça dans les mains si on n'a pas déjà fait une partie de jeu de rôle ou si on n'a pas eu une pratique au moins en tant que joueur c'est hyper compliqué. Donc ouais, j'ai vraiment fait en sorte, je suis pas sûr d'avoir réussi à 100%, mais en tout cas j'ai vraiment tourné mes efforts pour que le livre soit plus proche, plus didactique, comme pourrait l'être un jeu de plateau dans lequel on va juste prendre les règles et lire au fur et à mesure et se lancer. Malgré tout, je pense qu'il y a une certaine complexité dans le jeu de rôle qui fait que ce sera toujours plus difficile d'être minimaliste comme on peut l'être dans un jeu de plateau. Donc c'est pas évident, quoi. Il y a notamment tout le jeu, on va dire, de de contrat social, donc c'est-à-dire comment on gère entre joueurs qui dit quoi et comment on s'accorde sur qui a le droit de dire quoi, etc. Ça, c'est des choses qui sont pas du tout une évidence quand on s'adresse à des non-rôlistes, puisque en général, voilà, un non-rôliste, tu vas lui dire raconte-moi une histoire, il te raconte une histoire, mais on n'a pas ces mécanismes en tant que non-rôliste de se dire moi j'ai le droit de contrôler tel personnage, toi t'as le droit de contrôler tel niveau de la narration, tel au niveau de l'univers, au niveau de ce qui se passe autour, des figurants, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de complexités qui font qu'en effet, je suis pas sûr, par exemple même avec Happy Together, malgré tous les efforts que j'ai fait, que dès la première partie on ait la partie la plus satisfaisante possible. Il faudra peut-être en faire une deuxième pour aller peut-être plus profondément des choses et passer le moment un petit peu difficile d'apprivoiser le jeu. Après, je pense quand même qu'on retrouve ce genre de problème aussi dans les jeux de plateau, ou dans lesquels il doit y avoir quand même un certain nombre de jeux de plateau où les premières parties sont toujours un peu compliquées, parce que suivant la complexité des règles, on va pas forcément profiter à fond, puisqu'on est plus sur la pédagogie que sur le jeu lui-même, et que quand on va passer à la deuxième partie, donc je pense qu'il y a quand même des parallèles à faire, mais voilà, le côté social, le côté imaginaire, à mon avis, fait qu'il y a une couche de complexité supplémentaire qui rend l'expérience minimaliste difficile. Mais typiquement, c'est vrai de tous les jeux coopératifs. Alors, on peut penser à des jeux très voulus comme Horror à Arkham, mais ne serait-ce qu'un Best Ghost Stories ou des Mysterious. C'est vrai que faire un premier tour, histoire de voir comment ça tourne, c'est assez rapidement essentiel. En tant que créateur de jeu, vous, Gaël et Simon, ça se passe comment pour vous, le fait d'avoir une espèce d'approche, l'approche minimaliste, ça se passe comment, cette espèce de tentative de mener à l'accessibilité, ça passe par des accessoires, ça passe par un texte court, concis et clair, ça passe par une mise en page particulière, c'était quoi votre démarche? Alors, du coup... Je commence. Ouais. Simplement, avant de commencer, juste, j'aimerais différencier la notion, c'est l'enjeu du podcast, hein, tu me diras, mais différencier la notion de minimalisme et d'accessibilité. J'ai l'impression qu'on est, tu vois, qu'on est en train de mélanger allègrement les deux. C'est pas parce qu'un jeu est minimaliste qu'il est forcément accessible, et un jeu accessible n'est pas forcément minimaliste, tu vois. Donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment par Gaël sur Happy Together, mais faut faire attention à parfois un jeu minimaliste n'est pas forcément accessible. Effectivement, je pense que dans ce que j'étais en train de raconter, je parlais plus d'accessibilité que de minimalisme, mais on y reviendra après. C'est pas pour te reprendre rien. Non, t'as eu raison, justement, c'est pour ça que je précise. Voilà, et sinon, pour répondre à la question, pour Terre de Sang, en fait, on a eu en gros deux approches. Première approche, un peu plus classique, on va dire, où le livre de base, donc, il fait 70 pages, je crois. Donc, du coup, il est tout sauf concis, minimaliste, etc. Par contre, derrière, on a fait l'effort de faire tenir ça en une page recto verso. Et donc, c'est vraiment un effort de concision, tu vois, de pouvoir tout avoir, en gros, l'essentiel. Donc enlever tout le superflu en une page recto verso. Alors après, forcément, plus tu dégrossis, moins ça rend le truc accessible, plus tu as besoin d'itérer pour comprendre. Mais voilà, c'est un challenge qu'on s'est fixé. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans des jeux beaucoup plus denses, tels que Hockey Sword, mais avec les playbooks, quoi. C'est l'idée que le jeu a une certaine quantité de texte, une certaine quantité d'éléments de mécanique. Mais ce qu'on avait fait avec Jérémy, c'est qu'on utilise son espèce de plateau là, et ça résume toutes les phases et toutes les procédures du jeu. C'est quelque chose de très difficile à retrouver dans un jeu de rôle, c'est-à-dire étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, étape 3, je fais ça. Donc apparemment, ton jeu semble le permettre. Bon, j'ai pas encore vu la version complète, mais j'ai l'impression que souvent, même dans des approches minimalistes, justement, c'est pas forcément facile de résumer quelque chose. Après, je pense qu'il y a le minimalisme pour celui qui va, entre guillemets, mener la partie, s'il y a lieu, ce n'est pas forcément le cas. Et il y a le minimaliste pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le jeu et qui vont arriver. Ça lie aussi un petit peu l'accessibilité. Il y a des jeux où, effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui prépare vraiment les choses. Mais une fois que lui a fait sa préparation, il a bien assimilé comment ça fonctionnait. Effectivement, après, tout peut se résumer sur une page à 4. Je pense que c'est peut-être un peu l'idée que tu avais. Et du coup, après, dérouler le jeu en lui-même, pour les autres joueurs qui ne connaissent pas le jeu, ça paraîtra simple et fluide malgré tout. Même si le système de base était un peu plus long avec quelques pages, etc., il reste accessible à un public plus large parce que les gens pourront rentrer facilement dedans. Moi, je pense que c'est la tentative des jeux minimalistes, mais c'est justement de donner l'accès au kidam d'un jeu avec un texte assez court à lire, potentiellement assez simple, mais bon, peut-être on verra que ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais enfin, c'est l'idée, c'est d'avoir une approche peut-être plus proche des jeux de société, d'ailleurs. C'est un peu ce que je remarque dans les jeux que j'ai expérimentés. Bah, dès lors que tu peux découper en étapes, alors que le récit improvisé ne se découpe pas forcément, tu vois, facilement en étapes ou en procédure, mais dès lors que tu as un jeu ou un support, en tout cas, qui te permet de découper en procédure, c'est vachement plus simple d'enlever le superflu, quoi. D'ailleurs, ce que tu as fait, ça fait quand même beaucoup penser, enfin pour moi, pour y avoir joué avec Gaël, ça me fait beaucoup penser à Zombie Cinéma, quoi. On sent une espèce de schéma à suivre avec la tension narrative qui augmente au fur et à mesure, quoi. C'est un bon guide, c'est-à-dire on a un très bon visuel sur ce qui va se passer quand tu as beaucoup de jeux où c'est assez flou sur ce qui va se passer, y compris dans du jeu indé ou forgé d'ailleurs. Et quand tu faisais le parallèle avec le jeu de société, moi j'ai vraiment cette impression-là aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de rapprochement entre les deux médias qui étaient vraiment, enfin, plutôt vus comme deux entités séparées au départ et qui ont tendance à converger à la fois par la manière effectivement de présenter les règles, d'avoir quand même des choses assez simples et assez rapidement accessibles, mais de prendre aussi le côté un peu jeu de rôle avec un peu plus de liberté au niveau des actions par rapport aux joueurs, quoi. Ils vont pouvoir faire plus de choses que dans un jeu de société traditionnel. C'est ce que disait Gaël, quoi. C'est on va tout expliquer, y compris des choses qui peuvent nous sembler évidentes, c'est-à-dire qui raconte quoi, pourquoi, dans quel but, etc. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, le jeu de rôle est né en fait d'un jeu de plateau qui est devenu du jeu de rôle, et du coup, on y revient, pour certains, et donc, c'est assez intéressant de voir comment on fait une sorte de marche arrière. De boucle, c'est le cycle sans fin. On va recommencer, je suis sûr qu'on va recommencer encore une fois. C'est ça. C'est alors pour ma part, pour ce qui est de Happy Together, je crois qu'en fait, là j'y réfléchissais en même temps, je pense que pour moi le minimalisme a été la conséquence de la volonté d'accessibilité. Alors je me suis jamais dit j'ai envie que mon jeu il soit tout petit, j'ai envie qu'il soit qu'il y ait pas beaucoup de pages, et pas, c'était pas une volonté de base. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie qu'il soit le plus accessible possible, simple à jouer, etc. Et du coup le minimalisme est arrivé de fait. Alors comment ça se fait, comment on fait un jeu plus accessible. Déjà, on en a parlé, c'est la pagination par rapport à des jeux de rôle plus traditionnels où il y a énormément de pages, donc qui peut faire assez peur à certaines personnes. Il y a aussi le format en lui-même, donc des dimensions tout simplement du livre. J'étais parti sur l'idée de faire un livre, donc je suis resté. Je suis pas sûr que ça soit l'idéal. On parlait de jeu de plateau. Je pense que l'accessibilité idéale, à mon avis, aujourd'hui, d'un jeu de rôle, c'est de le faire ressembler à un jeu de plateau, parce que c'est ce qui fait on a une plus grande confiance, on va dire, par rapport à du grand public, qui va plus plutôt se dire ah tiens, ça ressemble à quelque chose que je connais, et ensuite de pouvoir plus facilement rentrer dans le jeu de rôle, alors que de base un livre, c'est pas évident que ça soit quelque chose qui permette de jouer. Même si dans le milieu du jeu de rôle, c'est devenu une évidence, quoi. Le livre, c'est fait pour jouer, alors que ouais, dans le grand public, c'est quand je le vois, moi, quand je parle de Happy Together et que je monte le bouquin, les gens ont un peu de mal à comprendre que c'est un jeu. Voilà. Après, il y a aussi la pédagogie. À mon avis, ça joue aussi, et qui doit entraîner un peu de minimalisme, parce que au lieu d'avoir des blocs en fait d'informations, bah, on doit aérer le tout, voire séparer les choses. Donc ça, c'est ouais, c'est des possibilités comme ça qu'on a. Je réfléchis, il y a d'autres choses, mais ah oui, il y a aussi en dehors du livre jeu, il y a aussi le dispositif lui-même de la partie, c'est-à-dire que Happy Together, il n'y a pas de dés, donc il n'y a pas besoin de matériel particulier, et j'ai même mis des règles pour qu'on puisse jouer si on est vraiment en déplacement quelque part et qu'on n'a pas forcément de feuilles ou on n'a pas forcément de crayons, qu'on n'a pas forcément de choses sous la main. Donc le dispositif compte aussi, quoi, parce que quand on a un dispositif traditionnel ou dans lequel il faut être en général 3, 4, 5 joueurs, un MJ, qu'il faut trouver un lieu pour jouer, et qu'il faut prévoir 4, 5 heures. Ah oui, il y a aussi donc la durée de la partie aussi, qui joue aussi, parce qu'effectivement, si on doit bloquer tout de suite 4, 5 heures pour faire une partie, quand on connaît pas le jeu de rôle, ou même quand on connaît et qu'on n'a pas forcément de temps dans sa vie pour ça, on n'a pas forcément envie de passer autant de temps, et même si on en a envie, on n'a pas forcément la possibilité, c'est compliqué de se dégager, de trouver, de s'organiser, etc. Donc voilà, plein d'éléments en vrac là qui me viennent pour augmenter l'accessibilité et qui du coup font du minimalisme à mon avis du coup en conséquence, parce que ça oblige du coup à faire moins de choses, quoi. C'est ça, la quantité d'informations, la quantité en général peut être, on nuancera certainement tout à l'heure, mais la quantité peut être facteur de difficulté pour les joueurs à s'engager dans une partie, quoi. C'est typiquement ce que fait Mathieu Baguet, qu'on peut retrouver sous le nom de Briscou d'ailleurs sur le forum des courants, où j'ai eu le plaisir de playtester deux fois. C'est un jeu qui s'appelle Super Tension. Et en fait, c'est l'histoire de tension entre deux pays. Et quelqu'un, je crois que ça peut être. C'est le président, ça peut être américain, russe ou quoi. Il a le bouton sur la bombe nucléaire. Et on doit faire toute une série de phases de jeu pour le convaincre de ne pas appuyer sur le bouton. Et il y a un timer qui va se dérouler petit à petit. Si on n'a pas réussi suffisamment à le convaincre de ne pas poser le doigt dessus. Et quand son doigt est suffisamment proche, il va appuyer sur la bombe nucléaire, et c'est la fin du jeu, quoi. Et on retrouve énormément de choses du jeu de société. D'ailleurs, il y a dans l'idée de potentiellement mettre un buzzer, tout se passe par des conversations téléphoniques, en fait. Donc on va devoir, on est un ambassadeur, on va devoir convaincre certaines personnes de nous donner des infos pour convaincre le président. Et c'est extrêmement, extrêmement ritualisé. Et outre l'aspect accessoire, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est que à l'heure actuelle en tout cas, l'approche minimaliste tend quand même beaucoup à faire des jeux à proposition très resserrés, comme tu disais, quoi. C'est-à-dire on joue peu de choses au final, enfin ce qu'on joue, on le joue bien, mais on joue peu de choses autour. Je voulais aussi vous poser la question du concept qu'on peut avoir de bonnes joueuses ou de bonnes MJ. Est-ce que justement ces jeux-là qui laissent peu de place à l'interprétation quelque part, est-ce que c'est pas la fin de ce terme de bonnes joueuses ou de bonnes MJ, dans le sens où c'est des jeux assez procéduraux, quoi, en général? Déjà moi j'ai l'impression que déjà MJ c'est presque déjà remis en cause. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un bon MJ, qu'est-ce qu'un bon joueur, les rôles sont en train de fusionner un petit peu, il y a de plus en plus de participation. Je pense que on va dans un sens où on veut que les que tout le monde participe autant finalement, et que tout le monde ait son rôle à jouer, et que tout le monde devienne une sorte de bon joueur. Parce qu'effectivement, ces supports vont être assez suffisamment exigeants pour demander à ce que chacun soit vraiment, on va dire, créatif dans sa manière de jouer. Un peu comme dans les jeux type Loup-garou, qui sont déjà un peu des jeux de rôle finalement, où il y a quand même un peu tout le monde qui a la même place au niveau de la narration, on va dire. Et on se rend compte qu'il peut facilement y avoir un déséquilibre s'il y a quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, un peu plus timide, réservé, qui ne va pas se sentir sa place dans ce genre de jeu-là, quoi. Ouais, moi, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. J'en discutais justement hier avec quelqu'un. Et je crois qu'en fait, la notion de bon joueur ou de bon MJ, elle existe potentiellement dans le paradigme du jeu de rôle, on va dire plus traditionnel, dans lequel les règles ne sont pas forcément toutes dans les bouquins, et où le MJ en particulier a beaucoup beaucoup de responsabilités sur la qualité de la partie, et donc ça fait que effectivement il faut être le plus expérimenté possible, et ça demande du temps, ça demande, il y a beaucoup de choses qui sont aussi extérieures à la qualité du jeu, l'art de compter par exemple, ce genre de choses. Donc ce qui est vrai dans des jeux plus traditionnels au sens large, effectivement, le sera peut-être moins dans des jeux de rôle plus alternatifs, dans des jeux de rôle plus minimalistes, dans lesquels on va beaucoup plus définir et formaliser en fait les règles du contrat social, des responsabilités, etc. Et qui font que du coup, on va faire reposer la qualité de la partie pas seulement sur les joueurs et sur la qualité de l'animateur ou du maître du jeu, mais sur la qualité du système. C'est le fameux système Does Matter, c'est cette idée que c'est le système qui va essayer en tout cas de se charger de garantir une certaine cohérence dans la partie. Et ça marche plus ou moins suivant les jeux, et ça marche plus ou moins selon les joueurs, donc c'est pas totalement absolu non plus, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, on va dire, je crois, dans ce type de jeu-là à diminuer, on va dire, la pression qu'il peut y avoir sur les joueurs de fournir quelque chose de qualité. Voilà. Je me permets du coup de nuancer ce que tu dis, Gaël. Je ne suis pas forcément entièrement, on va dire entièrement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, si tu t'affranchis effectivement de la notion de bon joueur, bon MJ, la notion de... Alors je dirais pas bon, mais... d'un animateur, d'un facilitateur efficace, même dans des jeux minimalistes ou dans les jeux qui se revendiquent du courant, on va dire, System Does Matter, est particulièrement important pour moi, parce que la personne qui va présenter le jeu ou qui va être moteur dans la découverte du jeu va insuffler son bagage rôliste en même temps, tu vois. Du coup, je suis d'accord. Vas-y, je te laisse finir. Ouais, donc je disais, du coup, si tu fais tout reposer sur uniquement le système, j'ai l'impression que tu effaces le côté individuel du bagage rôliste, du geste rôliste, en fait. Tu vois. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord dans l'idée que en fait il y a pas d'absolu, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que dans les jeux on va dire alternatifs, il y aurait d'un coup le système Does Matter et du coup le côté humain d'un coup disparaît, et c'est parce que si on veut vraiment que le système Does Matter à 300%, c'est un jeu vidéo, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Donc effectivement, la composante humaine, elle est hyper importante, et quelqu'un qui anime mieux, quelqu'un qui des joueurs qui sont plus expérimentés, qui ont plus l'habitude d'improviser selon ce que demande le degré d'improvisation que demande un jeu. Mais évidemment, c'est pas absolu, et tout comme c'est pas absolu dans l'autre sens non plus. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en discutait hier soir, il y a même dans le jeu de rôle dit traditionnel, c'est quand je dis traditionnel, quand je dis alternatif, c'est des nuances en fait. C'est pas juste il y aurait des jeux de rôle dans une case qui seraient tous tradis et d'autres qui seraient tous alternatifs. C'est des espèces de grandes nuances qui se parfois même se rejoignent et dans lesquelles effectivement même dans le jeu de rôle, dans les jeux de rôle plus traditionnels, il y a aussi des choses dans les jeux qui garantissent aussi que les parties soient de qualité. Donc c'est pas totalement absolu. Je suis d'accord avec toi. Mais je me demande moi si plus que le fait que ces jeux-là aient fait disparaître le terme de bonne joueuse ou de bonne MJ ou de bonne facilitatrice, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est pas juste des jeux qui décrivent, vu qu'ils sont très minimales, ils décrivent avec précision, sans fioritures, ce qui nous est demandé de faire, quand par exemple sur d'autres jeux avec des univers prescrits, ça restait un peu flou et on avait beaucoup de fluff, beaucoup d'éléments d'univers pour voir ce qui nous intéressait là-dedans. Est-ce que c'est pas justement des jeux qui disent justement ce que c'est, bah, qu'est-ce que c'est qu'une bonne joueuse, quoi. Bah, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est vraiment, pour moi, c'est une tendance, quoi. Il y a une tendance dans le jeu de rôle plus alternatif de, effectivement, de donner plus d'outils, on va dire, voilà, aux joueurs pour être meilleur, quoi. C'est comme ça que je l'entends. Mais voilà, sinon, dans les jeux de rôle plus traditionnels, avec de l'expérience, avec des tables qui se connaissent bien, ils peuvent aussi développer des qualités. Mais effectivement, ces qualités-là, ne sont pas édictées dans le livre. Après, moi, je trouve que ça peut être assez difficile dans un support le plus petit possible d'arriver à transmettre suffisamment d'éléments pour être complètement à l'aise dans une partie. Enfin, je pense qu'il y a un certain entraînement qui va être parfois nécessaire pour arriver à saisir toutes les subtilités. J'ai vu des jeux où finalement les règles étaient courtes et toutes les discussions autour qui permettaient de vraiment comprendre le jeu étaient plus longues que le jeu lui-même, quoi. Lady Blackbird ou quelque chose comme ça qui est comme ça, où il y a les règles qui sont assez légères et finalement il y a un deuxième livret qui sert à expliquer les règles quasiment. Donc il faut faire attention à pas partir trop dans un extrême et oublier de vraiment donner suffisamment d'informations pour être autonome. Ouais. Et c'est là où il y a justement la différence entre minimalisme et accessibilité. C'est, par exemple, il y a des jeux qui sont minimalistes, je pense notamment à Ghost Echo, qui est, je crois, sur juste une page A4, et qui est volontairement, il y a vraiment pas assez d'infos. Si tu débutes dans le jeu de rôle, tu peux pas faire du jeu de rôle avec ça. Enfin, ça me paraît hyper compliqué. Mais par contre, c'est un jeu minimaliste parce que du coup, avec des gens qui ont des certaines habitudes de jeu, notamment dans les jeux alternatifs, ils vont, avec un peu d'expérience, on va pouvoir aller piocher dans des habitudes de jeu, dans des techniques de jeu qu'on trouve dans d'autres jeux pour pouvoir compléter Ghost Echo et en faire un jeu intéressant. Mais si on vient d'une autre pratique, même si on connaît le jeu de rôle, mais qu'on vient d'une autre pratique du jeu de rôle, plus traditionnelle ou je sais pas, de l'OSR, j'en sais rien, peut-être que Ghost Echo va être hyper et complexe à prendre en main parce qu'on n'aura pas les techniques qu'on importe. Donc, même si les jeux sont plus resserrés et qui donnent plus d'outils, ça n'empêche pas qu'on va aller chercher quand même des techniques, des habitudes de jeu par son expérience, etc. Bah, il me semble justement qu'on transitionne lentement vers la deuxième partie, là. On a commencé à mettre un petit peu en pied dedans. C'est que souvent, ce qui est reproché chez les jeux minimalistes, c'est d'être très exigeant pour tous les participants. C'est-à-dire où il y a souvent beaucoup de choses à réapprendre, il faut apporter beaucoup de soi. Parfois, ça peut pousser un peu trop les joueuses timides, même, je pourrais dire, quand elles n'auraient pas forcément envie qu'on les pousse. Ça peut aussi nécessiter de jongler entre plusieurs rôles, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude dans nos pratiques habituellement. Et la question, c'est est-ce qu'au final, l'approche minimaliste, c'est si facile d'accès que ça? Donc, on a un peu commencé à le dessiner là en préambule, mais avant de rebondir là-dessus, je trouve il y a une citation d'un mec que j'aime pas du tout, hein, parce que c'est un mec qui est dans l'équipe qui dirige l'équipe de direction d'Apple, hein, On a pas mal galéré avec Google tout à l'heure, là, donc je pense que ça peut te faire du bien. Et il dit quand même une chose intéressante, je trouve, il dit la simplicité n'est pas une absence de désordre. L'absence de désordre est une conséquence de la simplicité. La simplicité, c'est quelque chose qui va essentiellement décrire la place et le but d'un objet ou d'un produit. L'absence de désordre est juste un produit sans désordre. Ce n'est pas la simplicité. Donc c'est ça que je trouvais intéressant, vu qu'on abordait des jeux très synthétiques, voire lacunaires, pour dire certains. Donc, est-ce que le minimalisme, c'est pas un support un peu trop exigeant, quoi? Et est-ce que, limite, bah, avec un Star Wars D6 des familles bêtes et méchants, on va pas avoir plus de facilité à accrocher des gens qu'avec un Thunder Heartland ou un Petite Chose Oubliée ou un zombie cinéma où la mise en place est parfois pas forcément évidente? Moi, je pense que dans les deux cas, c'est la même chose. Il y a une phase d'apprentissage. Que ce soit pour le jeu très simple ou effectivement, peut-être qu'il manque un peu d'informations, un peu lacunaires, il va falloir le pratiquer, tout comme le bon vieux système D6 qui demande à potasser plein de choses, plein de tables avant de vraiment le maîtriser et qui fait que pendant un certain temps, on va presque s'ennuyer à attendre que le maître du jeu cherche dans ses pages la table parfaite pour cibler les dégâts. Donc, à mon avis, il n'y a pas de supériorité. Je pense que c'est presque plus une question publique, j'ai l'impression, qui ne va pas être le même. Il y a quand même une différence, c'est par rapport au MJ, dans le cas de... Donc, quand on est juste joueur à une table avec un MJ, où effectivement, là, ça va être éventuellement plus simple pour un joueur de mettre les pieds sous la table et puis de réagir à ce que dit un MJ que de prendre un jeu comme ça. Et puis là, il faut vraiment être actif, il faut être proactif quand on joue. Donc ça peut être une difficulté. C'est vrai, c'est peut-être un problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire le jeu le plus minimaliste possible, etc. Mais on a ce côté MJ qui est assez pratique, effectivement. Mais bon, après, les MJ, c'est aussi un animateur, donc on peut le retrouver aussi dans des jeux minimalistes. Ouais, c'est pas tout à fait absolu, mais... Moi, je trouve qu'un jeu comme Thunder Heartland, enfin, que je prononce extrêmement mal, mais bon, là n'est pas la question. Même si c'est un jeu à MJ tournant, ça emprunte beaucoup traditionnel, c'est-à-dire on va réfléchir à des scènes types qu'on peut avoir dans une histoire de jeu de rôle. Alors, t'as une scène pour raconter l'histoire au coin du feu, t'as une scène pour subir un danger ou une menace, t'as une scène pour récupérer des ressources dans une ville, t'as une scène un peu pour faire l'épilogue du personnage et pour faire une espèce de scène de dramaturgie de fin. Enfin, il emprunte beaucoup à, c'est vrai, une posture traditionnelle, un peu, où on se balade dans un monde et on affronte différents types de scènes. Et moi, j'ai l'impression que quand on joue aux petites choses oubliées, on voit que ça tranche avec ce qui se fait, mais j'ai l'impression que contrairement à ce qu'on pourrait croire, t'as pas mal de jeux minimalistes qui essaient juste de faire justement ce qu'on faisait dans une approche plus classique, plus traditionnelle, mais de le faire plus vite et de manière plus synthétique, de manière qu'Into the Odd essaie de faire un OSR un peu plus nerveux et un peu plus efficace, quoi. Enfin, plus efficace, plus rapide. Bah oui, effectivement, il y a des ponts. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on peut... c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de formalisation. C'est-à-dire, effectivement, il y a des tentatives, notamment dans le SR, de formaliser des choses qui existaient, notamment dans les tout premiers jeux de rôle, pour retrouver des sensations qu'on avait avant, mais avec des techniques plus modernes qui permettent d'aller effectivement plus vite à l'essentiel. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des échanges, en fait, que c'est pas justement une séparation nette entre les deux mondes. Après, moi je pense qu'il y a quand même j'ai l'impression que c'est presque deux types de jeux différents, finalement, quand on y réfléchit bien. Presque le jeu de rôle à gros format, le fait de lire le livre, c'est presque déjà un jeu en soi. Le fait d'apprendre les règles, c'est presque déjà un jeu en soi. Et moi je me souviens de mes premières parties de jeu de rôle. On passait des jours entiers juste à faire la feuille de personnage, faire les courses, les premières courses chez le premier marchand, Et finalement, on s'était amusé rien qu'en faisant ça. Et j'ai l'impression que le jeu minimaliste, en fait, c'est plus une migration de la partie ludique vers ce qu'on espérait vraiment faire au départ avec le jeu de rôle, mais l'amener à vraiment l'aspect interaction entre les joueurs, l'aspect on prend un rôle très différent, etc. quoi. Et effectivement, ce support a besoin d'être beaucoup plus codifié pour permettre d'aller plus vite sur ces aspects-là. Jérémy, toi, tu as fait du théâtre d'improvisation pas mal, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire que justement ces jeux un peu différents, bah, qui ont quand même souvent une approche minimaliste, plus synthétique, c'est pas au théâtre d'impro ce que le JDR traduit au théâtre classique. C'est-à-dire il y a peut-être une posture où les gens ils sont juste là pour jouer leur personnage et ressentir des trucs et vivre des choses. Et tu as peut-être une posture où les gens ils veulent proposer des choses aux autres, ils veulent se proposer des choses eux-mêmes, ils veulent que ça se réponde. Ils veulent peut-être une posture un peu moins binaire par rapport au texte ou un scénario. Quoi. On peut voir effectivement le théâtre un peu comme un jeu et du coup il y a deux courants. Le théâtre où on va préparer vraiment le texte, c'est un texte déjà écrit, qui est déjà fait, où tout est cadré. Et finalement, le plaisir sera plutôt dans l'exactitude de la représentation. Et de l'autre côté, le théâtre d'improvisation qui amène beaucoup plus de liberté. Finalement, on apprend. Le travail de l'improvisateur, c'est pas d'apprendre un texte, c'est d'apprendre à être à l'aise pendant la scène pour être capable de générer de l'accident, etc. etc. Et là où je trouve que ça se ressemble, effectivement, c'est la préparation qui est beaucoup moins grande pour le théâtre d'improvisation, puisqu'il n'y a pas de texte à apprendre. Ceci dit, et là peut-être qu'on revient un petit peu sur une question qu'on a abordée tout à l'heure, ceci dit, ça demande beaucoup d'entraînement finalement, et il va y avoir un petit peu cette nécessité d'avoir à un moment ou un autre un animateur qui va créer un petit peu la tradition orale, même dans le théâtre d'impro, et qui va permettre peut-être à chacun de voir un peu comment faire une bonne improvisation. Parce qu'il n'y a pas vraiment de formule magique non plus. De toute façon, l'improvisation, on la trouve aussi quand on fait des parties de jeux de rôle, et c'est la même problématique, à mon avis. Donc, c'est difficile d'opposer vraiment les deux, d'ailleurs. Je pense que c'est deux types de plaisirs différents. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec... ton analyse sur le fait de dire ces deux choses qui sont complètement différentes. J'ai l'impression que dans des jeux où le livre de règles est particulièrement gros, quoi, dans les jeux un peu plus tradis où il y a vraiment beaucoup de textes, 300 pages de manuel, etc., et bien la majorité des gens voient ça, enfin prennent un peu ce qu'ils veulent. Ils ne prennent pas toutes les règles, ne jouent pas toutes les règles stricto sensu. Il y a une forme de liberté dans le choix, en fait. On te propose un éventail de choix qui est tellement énorme qu'au final, tu ne te sers pas de tout. Et donc, du coup, tu construis avec... Et au final, tu retournes dans... Tu te construis, en fait, une sorte de carcan à toi, perso, entre à toi et à ton groupe, tu vois. Et tu retrouves un peu ce plaisir de l'improvisation derrière, quoi. C'est ce que j'appelle le MJ jeu, en fait. C'est quand du coup le MJ, en fait, il a tellement accaparé le jeu qu'il prend effectivement des bouts là où il en a envie, et en fait au bout d'un moment il crée son propre jeu, quitte même parfois en fait à quasiment à jouer tout le temps le même jeu, mais avec des univers différents, mais c'est toujours le MJ jeu, en fait, et les joueurs ont l'habitude de jouer avec lui ou le connaissent, etc. Et Et je trouve, j'aime bien ce concept-là, qui est un peu au raccord aussi avec le système d'osmateur. Ça veut dire que même dans le tradit, il y a aussi un côté, à un moment donné, il y a des systèmes qui se construisent, c'est juste qu'ils sont pas formalisés dans des livres de jeu, c'est juste que c'est le MJ et les joueurs entre eux qui construisent ce système et qui l'expérimentent au fur et à mesure de leur partie. D'ailleurs, je pense qu'il est tout à fait possible de jouer à deux jeux, enfin au même jeu, avec deux MJ différents, de manière complètement différente. Ça, c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Oui. Alors c'est vrai que dans des jeux alternatifs, ça va être moins le cas. C'est pas forcément toujours le cas, mais ça sera moins le cas. Quand tu discutes avec des gens qui ont joué à par exemple, Dogs in the Vineyard, on peut faire des parties qui sont un peu différentes, mais globalement, on retrouve des thématiques, des choses similaires qu'on puisse passer, même si le setting n'était pas tout à fait pareil, etc. Mais on retrouve... Mais c'est pas toujours le cas, ça dépend. Il y a des jeux alternatifs qui sont beaucoup plus ouverts et qui permettent de construire des thématiques très très très différentes d'une partie à l'autre, et dans lequel aussi le MJ ou l'animateur peut aussi insuffler des choses qui ne sont pas qui sont pas dans le jeu lui-même, ou en tout cas que le jeu propose des espaces de liberté pour ça. C'est peut-être pour ça aussi que les débats sont souvent sans fin entre on va dire les. Moi, je préfère parler de jeux univers, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de background, et les jeux à proposition resserrée. Parce qu'en fait, on ne défend pas la même chose. Les jeux à proposition resserrée ont peut-être effectivement une approche plus jeu de plateau, où on va essayer de pouvoir faire apprendre le jeu à tout le monde. Et le jeu univers n'a pas les mêmes exigences parce qu'il sait que ça va être utilisé par la tradition orale derrière. Donc en fait, on offre quelque part, on offre qu'un support, voire qu'une inspiration pour le MJ, parce qu'on sait que déjà, lui, il a tout son corpus de tradition. Quoi. Et du coup, c'est là où on en revient à la notion d'accessibilité, et qui fait que moi, je m'intéresse particulièrement aux jeux plus alternatifs et que j'en crée moi-même. C'est parce que moi, justement, j'ai envie de formaliser ces règles pour pouvoir les proposer à d'autres, et ne pas être simplement un MJ-jeu, ne pas simplement faire des bouquins d'univers avec éventuellement des boîtes à outils dedans. J'ai envie de créer des expériences de jeu et essayer de garantir un maximum que si une autre table s'empare du jeu, il va pouvoir avoir une expérience similaire. Mais c'est tout à fait un choix de ma part, c'est pas forcément le mieux. Mais voilà, c'est un positionnement qui est souvent critiqué, la position d'auteur de jeu, quoi, plutôt que de simplement créateur de livres de jeu. C'est cette idée-là qu'on a envie de faire vivre une expérience particulière et qu'on assume en soi, et qu'on n'a pas envie de faire juste des boîtes à outils. Mais là encore, ça peut être aussi variable en fonction des jeux. Il y a des jeux qui sont plus ou moins ouverts. On en discutait là récemment avec Frédéric Saintès, qui a fait Demiurge, qui est publié là récemment. Et c'est un jeu qui, à la fois, est assez proche de pratiques traditionnelles, puisqu'il y a un MJ, il y a des joueurs, etc. Et qui emprunte aussi beaucoup à des jeux alternatifs et qui formalise un certain nombre de choses, mais qui donne quand même des espaces de liberté assez importante pour que des MJ plus habitués à avoir leur pratique à eux puissent quand même occuper de la place et pas se retrouver un peu bloqués dans certains jeux qui sont parfois vraiment sur... j'essaie de trouver un exemple en tête là, mais des fois il y a des jeux vraiment vous jouez tel personnage, vous êtes à tel endroit et vous faites ça, et du coup on peut pas vraiment faire autre chose, et donc les MJ qui ont l'habitude de faire leur sauce, ben quand ils sont face à des jeux comme ça, ils ont envie de les hacker, mais du coup c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de boîte à outils, et je comprends que du coup ils se retrouvent un peu désemparés face à ce genre de proposition, quoi. Ouais, mais justement c'est peut-être aussi ce qui leur permet de sortir de leur zone de confort et éventuellement de découvrir des choses qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire avant. Clairement, mais là je me fais de toute façon l'avocat du diable, hein, mais bien sûr, je pense que c'est important de faire des allers-retours en fait, parce que il y a des choses intéressantes partout dans les pratiques, donc c'est clair que ça permet de découvrir des nouvelles approches, des nouvelles façons de jouer, donc ouais, c'est positif. Moi, la question que je me pose Pour quelqu'un qui ne connaît strictement rien aux médias, est-ce que c'est pas plus facile de débarquer sur une table de jeu, même si ça ne correspond pas forcément toujours à nos attentes, que d'essayer d'apprivoiser un jeu qui est lacunaire, soit qui est parfois difficile d'accès parce qu'on n'a pas la culture qui l'entoure, quoi. Parce que mine de rien, pour la plupart d'entre nous, on a commencé par des approches plus ou moins traditionnelles. On avait déjà une vague idée de ce qu'on nous demandait au cours d'une partie de jeu de rôle. Est-ce que c'est pas plus facile d'aller dans une convention, dans une assos, et de se poser à la table d'un meneur et de commencer à apprivoiser un petit peu comment ça peut se passer, quoi? Il y a sur le forum des courants, je crois que c'est sur le forum, ouais, sur le forum des ouais. courants, un témoignage de Tooney qui est arrivé dans une convention et qui a pris des joueurs débutants et qui les a fait jouer à des jeux plus alternatifs. Donc il y a un témoignage sur le forum, et puis par ailleurs, si vous vous demandez, il a plein d'autres anecdotes. Et globalement, sans vouloir parler en son nom, quoi, mais globalement, de ce que je comprends de son expérience, c'est que les joueurs débutants sont plus facilement, plus facilement accès, on va dire, ou plus apprécient plus facilement les jeux alternatifs que les jeux traditionnels, justement. Mais parce que j'imagine le facilitateur, l'animateur est efficace dans sa démarche, quoi. Donc je rebondis un peu sur ce que tu disais. Bah, de mon expérience aussi, j'ai eu le sentiment. Alors, je pourrais pas faire de comparatif parce que peut-être que ça se vaut des deux côtés, mais c'est vrai que j'ai remarqué, contrairement à ce que j'aurais pu penser quand j'ai commencé à animer des parties en convention, que les jeux de rôle alternatifs étaient beaucoup plus difficiles d'accès et que ça allait être un problème quand on est face notamment à des nouveaux joueurs. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma petite expérience que c'était plus compliqué finalement de jouer avec des rôlistes qui ont l'habitude des pratiques traditionnelles parce qu'ils ont intégré un certain nombre d'automatismes qui sont pas forcément compatibles avec ce que proposent les pratiques plus alternatives, alors que des nouveaux joueurs qui débarquent qui sont vraiment vierges de toute idée, de tout automatisme, en fait, ont pas du tout de mal à, par exemple, se dire ah ben il y a pas de MJ, ok, pas de souci, du coup je suis un joueur, et à prendre un rôle qui serait similaire à un MJ traditionnel, et alors que dans le traditionnel ça prendrait des années à se dire oh là là je vais être MJ, ça c'est un niveau de pression, alors que il y a des choses, c'est intéressant de voir qu'il y a un décalage par rapport à ça. Après, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile? Je suis pas sûr. Effectivement, se caler, comme je disais tout à l'heure, les pieds sous la table et puis se laisser mener par un MJ, ça peut être hyper confortable. Par contre, ça a d'autres inconvénients. Ça a d'autres inconvénients, notamment sur, on parlait d'accessibilité. Ça a d'autres inconvénients sur le fait, est-ce que du coup, on va développer plus facilement une image du jeu de rôle dans lequel il y a un spectateur. Des spectateurs et un animateur, un conteur, et que il va falloir plus de temps pour s'apprivoiser en tant que interprète d'un rôle, etc., de prendre de la part dans la fiction. Ça peut être un frein. Après, une fois passé la découverte, ou carrément même bloqué, c'est-à-dire des joueurs qui se retrouvent, si c'est ça le jeu de rôle et qu'en fait je suis juste spectateur. Et moi, c'est un peu l'expérience que j'ai eue de jeux de rôle plus traditionnels, c'est qu'au bout d'un moment, je me disais, si c'est en fait, je peux pas vraiment avoir un impact assez fort dans la narration. Dans ce cas-là, je préfère regarder un bon film, une bonne série. Et donc, ça peut être un blocage pour certains qui, en fait, dans cette position de semi-spectateur, on va dire, c'est pas ce qui va leur plaire et qui va leur dire, du coup, moi, le jeu de rôle, j'ai pas envie d'en faire d'autres. Mais alors que voilà, mais ça peut avoir l'effet inverse dans les jeux de rôle traditionnels, dans les jeux de rôle plus alternatifs, parce que là, on demande beaucoup plus souvent d'implication du joueur. Et ça peut être aussi quelque chose qui fait peur. Donc Donc ouais, je crois pas qu'il y ait de plus ou de moins. À part, enfin moi je, c'est là où je défends beaucoup les jeux de rôle plus alternatifs, c'est sur leur accessibilité en termes de thématiques, parce que effectivement dans des jeux de rôle plus traditionnels, on a souvent un univers geek assez marqué en termes d'imaginaire, de mettre fan, etc. Et ça bloque pas mal à l'entrée un certain nombre de personnes. Et donc les rôlistes s'en rendent pas forcément compte. Parce que eux-mêmes, ils se disent, moi, je suis rentré dans le jeu de rôle et c'était cool. J'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros, comme souvent, par les jeux vidéo, machin, et puis je suis rentré dans le jeu de rôle. Et tout de suite, ils étaient à l'aise parce qu'ils étaient dans cette culture geek. Mais du coup, on pense pas que, en fait, ça bloque à l'entrée plein de gens qui sont d'autres cultures, hein, qui sont pas fans du Seigneur des Anneaux et de Star Wars et qui vont se retrouver un peu en mode, si c'est ça le jeu de rôle, c'est pas pour moi. Alors que dans les jeux alternatifs, même si on retrouve aussi du Medfan, la SF, etc., on a aussi des thématiques plus contemporaines ou historiques, ou enfin d'autres choses un peu plus variées en général, qui permet aussi de se lancer, d'accueillir d'autres publics. Donc, je suis assez d'accord sur ce dernier point là, où effectivement on va avoir des jeux qui permettent de partir sur des petites expériences très courtes, mais qui sont très, très originales et qui peuvent intéresser un panel beaucoup plus large de gens, quoi. On ne peut pas s'arrêter sur juste une rencontre en deux, trois phases sur un jeu de rôle traditionnel. Un jeu de rôle traditionnel, il faut pouvoir tout faire, alors que sur un jeu plus petit, plus minimaliste, on va pouvoir juste se concentrer sur un dialogue entre un enfant et un fantôme. On a déjà eu l'occasion de faire ça, ce genre de choses-là, quoi. Et ce qui permet peut-être à plus de gens de pouvoir entrer. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Oui, quelque part, c'est agréable avec ces formes de jeu, tu vois, de pouvoir être parfois dans une posture à la... Comme on avait ces bouquins quand on était gosse, tu sais, 300 jeux de cartes, tu vois. De pouvoir prendre... on peut aussi pas mal retrouver ça dans les JDR en une page. On va tester un jeu, potentiellement deux, trois sur une même soirée, et on va pouvoir avoir un spectre large. Et alors qu'on parle souvent d'initiation de notre milieu, en fait, l'initiation au jeu de rôle dans sa forme traditionnelle, enfin quand même encore très souvent, c'est des parties de 3 heures, mais où on va juste explorer un tout petit pan du jeu, quoi. Alors que on pourrait sur une partie de 3 heures faire des tests de 3 ou 4 jeux et avoir une vision plus large sur ce que peut être le jeu de rôle. Moi, quand j'assiste à des animations de jeux de société en club, on va me faire tester un jeu coop, on va me faire tester un jeu de réflexe, on va me faire tester un jeu apéro pour rigoler un pote, peut-être un jeu de mémoire, tu vois. Je vais avoir une idée un peu claire, quoi. Alors que des fois, il y a des gens, ils sortent d'une partie de vampire, ils vont dire ok, c'est ça le jeu de rôle, en fait. Alors qu'en fait, ils n'en ont vu qu'un tout petit fragment. Ouais, sur la durée, on en a déjà parlé plus tôt, mais je pense que c'est vraiment important, cette notion de durée, pour l'accessibilité. Moi, je sais que je fais des parties de jeux de rôle avec mes collègues entre midi et 2. On a grand maximum 45 minutes à accorder après avoir mangé, discuté, machin, etc. J'ai essayé un jeu, même un jeu qui était déjà assez, assez simple, c'est Fou RPG, avec des règles vraiment basiques. Et même là, c'était difficile d'arriver à faire une partie, d'arriver à la suivre, etc. etc. Parce que ça dure sur plusieurs semaines, on jouait qu'un midi par semaine, et c'est difficile, je trouve, d'arriver à faire quelque chose de cohérent dans ce cadre-là. Et avoir quelque chose d'un peu plus cadré, un peu plus petit et qui arriverait à tenir sur un format comme de 45 minutes, ça, je pense, enfin, ça aurait une plus-value, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu une idée reçue dans le jeu de rôle que globalement, on ne pourrait pas faire une bonne partie de jeu de rôle en moins de 2 heures, quoi. Enfin, et encore 2 heures, je suis gentil. Et je pense que c'est vrai, c'est une idée reçue qu'il faut casser, parce que je pense qu'on peut faire des choses hyper intenses ou hyper intéressantes en jouant quelques scènes ou en jouant quelque chose de très simple. Mais effectivement, on manque de jeux, on manque de choses là-dedans. Moi, j'ai l'habitude de dire que je trouve qu'il y a un gros gouffre en fait entre justement les jeux de plateau type Loup-garou tiers-lieu et puis les premiers jeux les plus minimalistes en jeu de rôle. Je trouve qu'il y a encore un énorme gouffre qu'il faudrait vraiment combler pour créer des jeux vraiment simples qui tiendraient dans des petites boîtes type jeux apéro, mais dans lesquels on nous proposerait d'ensemble pendant effectivement un quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes, de se poser face à une situation fictionnelle avec différents personnages qui ont des rôles à attitrer et qui doivent réagir par rapport à cette situation. Et ça peut être aussi simple que un truc un peu rigolo ou un truc. Alors je pense là du coup, je pensais tout de suite au jeu de rôle la tentative de Epidia Ravachol qui s'appelle Qu'est-ce que le jeu de rôle et dans lequel il a essayé de faire un jeu vraiment simple, un peu rigolo où on joue des astronautes, je crois, ou des cosmonautes qui viennent de cambrioler une banque, ou qui cambriolent une banque. Voilà, moi je suis pas convaincu par la tentative, mais je trouve qu'il y a vraiment une idée derrière sur l'idée de proposer une seule situation unique, simple, dans laquelle les personnages doivent interagir, doivent agir simplement. Et ouais, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, et même nous, je pense, en tant qu'auteurs, on a encore cette volonté de faire des jeux plus construits, etc. Et on a du mal à se dire, je vais faire un jeu apéro, quoi. C'est presque... je sais que même moi... Donc j'ai créé aussi Happy, qui est un jeu de méditation, qui est un jeu solo, et j'ai l'impression d'être un fraudeur. J'ai l'impression de me dire je suis auteur de jeux de rôle. Oui, enfin t'as fait un petit jeu de quelques pages où on joue où c'est pas vraiment du jeu de rôle. Et ça c'est un vrai problème. Je pense que je parle vraiment en tant qu'auteur, on a le fait qu'on soit pas considéré en fait et qu'on se considère soi-même pas comme un vrai auteur si on n'a pas édité un truc au moins d'un certain nombre de pages avec des belles illustrations et tout, on a l'impression d'être nul, alors qu'au contraire je pense que s'il y a un endroit où un auteur pourrait vraiment gagner de l'argent, ce serait plus en faisant un loup-garou de tiers-lieu amélioré qui irait plus vers le jeu de rôle que en essayant de sortir un énième jeu traditionnel à 4 qui, on le sait aujourd'hui, est pas rentable en dehors des grandes licences connues, quoi. Pour rebondir sur ce point-là, je suis assez d'accord sur le gap entre les jeux finalement qui peuvent durer un quart d'heure, les loups-garous, c'est un peu ça, et puis 2 heures pour un jeu de rôle. Et il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger en ce moment. Alors, c'est presque plus du GN, du grandeur nature. C'est tout ce qui est escape room. Alors, il y a les escape rooms physiques, mais il y a aussi les jeux de société qui commencent à arriver, où il y a un peu cette notion de on est dans le rôle de éventuellement un braqueur de banque, pour reprendre cet exemple-là, mais ça peut être le rôle d'un archéologue, et on doit s'échapper en une heure. Et là, on a vraiment ce format de, on est en une heure, on a finalement quelque chose d'assez simple, d'assez rapide à mettre en place, d'assez rapide à comprendre, et on est, on est dans son rôle, on doit s'échapper. Bon, là, on est plus sur des choses, des casse-têtes logiques, etc. Mais je pense qu'il y a un début de quelque chose par rapport à ce chaînon manquant entre les jeux courts et les jeux longs, on va dire. Bah, justement, tu vois, on parlait de ces jeux exigeants, mais moi je me demande s'ils sont pas juste perçus comme exigeants parce qu'ils sont vendus comme des livres justement au lieu d'être vendus comme des jeux. Ce que disait Gaël, on persiste quand même à vendre encore beaucoup de jeux de rôle comme un livre. Ouais. Et je connais un petit jeu de société, enfin que beaucoup connaissent sûrement, qui s'appelle Speech, qu'ils ont à 20€ dans une boîte métallique, et c'est juste une série de cartes avec des images, et l'un des modes de jeu c'est tu prends 5 images et tu racontes une histoire avec. Genre un plombier, une voiture cassée, etc. Et ça, je suis sûr que si tu le mets dans un petit jeu minimaliste, indé, anglo, là où je sais pas quoi, les gens vont pas savoir quoi faire parce qu'ils vont manquer d'outils, quoi. Alors que tu vends un jeu comme Speech, avec juste des images, on te demande de raconter des histoires avec des images, bah, je sais pas si c'est le fait de sentir que tu joues un jeu de société, le fait d'avoir de l'accessoire, ou le fait d'être vendu dans un format professionnel où les gens sont rassurés, tu vois, et tout, que c'est vraiment un jeu. Mais j'ai l'impression que les gens se prennent beaucoup moins la tête, quoi. Alors que si on leur avait sorti la règle du jeu dans un PDF, tu vois, ils n'auraient pas eu la même perception. Peut-être un élément de réponse, là, pour le coup, qui vient de l'expérience en termes d'improvisation. On a une phrase qu'on répète souvent, c'est « la contrainte libère ». Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des spectacles d'improvisation, mais souvent, on demande des mots, des phrases qu'on met ensemble qui n'ont en général aucun sens. Mais finalement, on fait une improvisation à partir de ces mots-là. Et c'est cette contrainte de devoir coller à des mots, je sais pas, champignon, mariage, stylo, qui vont permettre à notre imaginaire de se lancer, de démarrer et d'avoir quelque chose finalement à manger et sur lequel on va pouvoir improviser. Et je pense que c'est un peu pareil sur ce jeu avec les photos. Ces photos vont inspirer l'imaginaire, vont déclencher la réflexion et vont permettre de créer l'histoire en ayant quelque chose sous la dent, quoi. Un amorceur, une sorte d'amorce. La limite qu'on a en ce moment avec ces jeux qui amorcent effectivement des choses dans la direction du jeu de rôle, c'est que la dimension purement ludique est pas toujours totalement, enfin, ne fait pas assez d'aller-retour en fait avec la fiction. Ce qui fait que les gens en fait, même s'ils inventent une histoire, en fin de compte, ils sont quand même souvent plus dans l'idée du jeu en lui-même que dans la narration. Et moi j'ai ressenti ça quand j'avais testé Il était une fois, je crois. Et j'ai l'impression que le jeu dont tu parles aussi, Speech, c'est un peu dans le même genre. Il y a pas mal de jeux de plateau qui fonctionnent sur ce principe. Effectivement, on a des cartes ou des dés ou des trucs. J'ai vu même à la Fnac là récemment un jeu de dés où en fait sur les dés il y a des symboles et on doit aussi composer des histoires avec. Mais effectivement, on est toujours sur la contrainte de rester sur la création d'histoire. Et c'est vrai qu'il manque encore un pas pour aller sur en tout cas des pratiques qui ressemblent à ce que nous on fait, mais je crois qu'il manque pas grand chose dans le Loup-garou Tiercelieu. Il y a tout ce côté négociation là quand on est dans le village pour savoir qui on va éliminer. On reste encore très sur le côté ludique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui font pas du roleplay, comme on dit, qui jouent pas vraiment et qui en fait même quand ils jouent il y a pas de distinction très claire entre le joueur et le personnage, alors que et je pense qu'il manque pas grand chose quoi pour en faire des jeux qui iraient un peu plus loin pour se rapprocher de ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le jeu de rôle. Ouais, c'est possible. Ouais. Très bien, bon, je crois que le moment est venu de passer la dernière partie. Donc, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que le minimalisme, les jeux minimalistes, plutôt qu'être des bons jeux qu'il faut acheter impérativement parce qu'ils sont géniaux et qu'ils sont mieux que les autres, quoi que ce soit du même style, est-ce que c'est pas aussi un super terrain de R&D, quoi, de recherche et développement, que c'est potentiellement surtout des bons supports d'innovation qui fait qu'ils ne seront pas connus en tant que tels, mais ils vont permettre que certains jeux existent et que ces jeux apportent une vraie révolution ou une vraie nouveauté par rapport à ça. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas aussi le bon outil pour s'adresser enfin à un nouveau public ? C'est deux questions différentes. Pour répondre simplement à la première, simplement d'un point de vue très factuel, hein, très matérialiste, le jeu minimaliste, il a besoin de moins d'éléments, pas forcément de moins de réflexion, moins de travail, mais besoin de moins d'éléments pour être mis en place. Donc forcément, du coup, ça va dans l'idée de tester plus vite et donc rater plus vite. Enfin, tu testes, tu rates, tu retestes, tu re-rates. Et je dis pas forcément que c'est plus facile à mettre en place ou que c'est que ça demande moins de réflexion, moins de travail, etc. Mais dans l'approche, tu vois. Si tu pars dans des jeux de rôle sur une page par exemple, bah, c'est beaucoup plus facile de designer un truc qui va avoir un résultat immédiat et que tu peux quantifier facilement. Voilà, c'est pour répondre à ta première question. Moi, je, pour moi, c'est enfin, en tout cas, quand je vois des jeux en une page ou même le dernier, enfin, un des derniers jeux de Thomas Migné qui tient sur un poème, un truc comme ça, ben voilà, ça te permet de tester de te planter vite ou pas, hein, de jouer vite et de donner des feedbacks vite sur, ben voilà, sur la manière dont ça s'est déroulé, le ressenti, etc. Tu vois. Mm. C'est vraiment un outil, quoi. Ça me fait penser au parallèle avec le cinéma dans lequel toute la scène du court-métrage et aussi de la vidéo dans le sens artistique. Souvent on crée des formes beaucoup plus courtes du coup, et ça permet justement d'expérimenter beaucoup plus, et après ces expérimentations peuvent servir soit pour inspirer d'autres réalisateurs ou aussi pour les créateurs eux-mêmes ensuite de transformer des courts métrages qu'ils ont fait en des choses plus donc clairement ouais, je crois qu'il y a dans des jeux plus courts en tout cas, parce que voilà, encore une fois, minimaliste plus court, c'est différent. Moi je sais que par exemple pour Happy Together, le jeu m'a pris plus d'un an à faire, et en un an j'aurais peut-être pu faire un jeu beaucoup plus dense en termes de texte, j'aurais pu faire peut-être plus de choses, mais donc il y a mais la conception du jeu en lui-même, c'est-à-dire si on sépare entre la conception du jeu et la conception du livre-jeu, la conception du jeu, elle m'a pris énormément de temps, parce que même si du coup c'était un jeu que j'ai essayé de faire le plus simple possible, on dit comme disait la citation tout à l'heure de George Sand, être minimaliste et avec un minimum de qualité, c'est très très compliqué. Il faut faire la distinction. Après, par contre, je sais que pour le livre lui-même, c'était vraiment un choix de le faire le plus simple possible. Et là, c'est pour vraiment des questions purement plus de production matérielle. C'est parce que je voulais pas. J'ai en ce moment, en tout cas, dans la façon dont je conçois mes jeux, je me concentre sur la conception des jeux et et d'essayer d'en faire une qualité maximale, quitte à y prendre du temps et pas forcément passer pour le moment, en tout cas, beaucoup de temps sur la mise en forme du livre. Donc, du coup, le livre, par rapport à ça, j'en ai fait quelque chose j'en ai fait quelque chose de petit, un petit format avec peu de texte, parce que du coup peu de texte, ça veut dire moins de, c'est plus facile pour les relectures, ça va plus vite. J'ai pas mis d'illustration, comme ça on skip aussi ce passage d'illustration qui parfois prend aussi du temps de production. Donc voilà, je sais plus à la base ce que je voulais dire, mais mais oui, et si voilà, pour l'innovation, clairement, ça aide de se dire on va se focaliser sur quelque chose de petit, mais c'est pas forcément évident, quoi. On peut en voulant faire quelque chose de simple, parfois on va passer 2-3 ans à le faire, et on passerait autant de temps que si on voulait faire quelque chose de plus complexe, où là on pourrait certes la production du livre-jeu serait plus long, mais par contre la conception du jeu en lui-même serait plus courte, parce que on s'interdirait pas de mettre tout un tas de choses dans le bouquin, quitte à ce qu'il y ait des choses en trop. Voilà. J'ai une question un petit peu polémique à vous poser, c'est que si on part du principe que la concision de certains jeux, ben, ça se ceinture parfois trop ce qu'on veut dire avec, et que les bases volumineuses le noient, c'est quoi les jeux de demain? Est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer des jeux hybrides? Est-ce qu'il va être nécessaire de casser ce qu'on entend par jeu de rôle aujourd'hui? C'est un point de vue là-dessus. Bah, peut-être ça revient avec ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le format un peu intermédiaire, qui est pas tout à fait du jeu de rôle traditionnel, qui est pas tout à fait du jeu de société jeu de rôle, qui va un format entre les deux, qui va quand même demander une certaine participation des joueurs, on va dire. Après, moi, je me pose en ce moment, je me pose pas mal la question aussi de l'arrivée d'un certain nombre de technologies par rapport à ça. Est-ce que une des pistes pour arriver à la fois avoir un minimalisme et une bonne accessibilité et un minimalisme, on va dire presque absolu, est-ce que c'est pas d'utiliser des outils qu'on a un peu tous maintenant, comme le téléphone ou ce genre de choses-là. Même voilà, bon après c'est revenir un peu au dé, mais voilà, je me demande s'il n'y a pas aussi là-dessus une convergence avec le jeu le jeu vidéo aussi, qui on en parlait tout à l'heure, à l'extrême, c'est le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut pas rendre le jeu vidéo moins extrême et l'amener aussi dans le monde réel, etc. Alors moi j'ai une réponse, mais voilà, si Simon voulait intervenir, vu que j'ai beaucoup monopolisé la parole. Non, je t'en prie, vas-y, t'écoutes. Pour ma part, je pense que c'est les jeux de demain, en tout cas moi c'est ce que j'espère, mais je pense que c'est ce qui va arriver, effectivement ça rejoint ce que dit Jérémy, c'est vraiment sur la diversité quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui je trouve que le jeu de rôle dans sa forme traditionnelle, même si ça a évolué quand même dans les 10 et 20 dernières années, il est très restreint dans une zone qui est en gros la zone de la culture, de la culture de l'imaginaire, du maître fan, etc. Avec dans la zone du livre jeu, donc il est un peu enfermé dans ces zones là. Et je pense qu'effectivement dans les prochaines années, les prochaines décennies, on va voir le jeu de rôle aller occuper d'autres formats. Aller occuper d'autres thématiques, et effectivement ça passera certainement par les autres médias qui eux ont aujourd'hui de l'influence, qui sont plus reconnus comme le jeu vidéo, comme la vidéo. On peut imaginer des jeux de rôle, ça commence à arriver sur YouTube, mais des façons, on voit avec Aventure par exemple, commence à avoir du jeu de rôle avec du public. C'est quand même quelque chose aussi de très nouveau quoi, de créer une interaction avec non pas juste 4-5 joueurs, mais aussi toute une masse de personnes qui peuvent participer à la narration en cours. Donc ouais, il y a plein de choses. Effectivement, le téléphone, moi j'avais fait une expérimentation, on parlait d'ailleurs du jeu court pour comme expérimentation. Moi j'avais bossé un peu sur un jeu de rôle qui joue par SMS, donc j'ai pas publié parce que je trouve qu'il n'est pas abouti, il n'est pas au point, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, et surtout au niveau des réseaux sociaux, puisque c'est aussi aujourd'hui quelque chose sur lequel on est tous, enfin beaucoup en tout cas, une majorité, et donc il y a aussi, je pense, des choses à construire aussi de ce côté-là. Donc ouais, moi je pense que ça va être la diversité quoi, et du coup ça veut dire arrêter de à chaque fois qu'on brise une barrière, de dire c'est plus du jeu de rôle, et au contraire se dire que bah, peu importe que ce soit du jeu de rôle ou pas, à un moment donné on repousse, on a la zone effectivement du jeu de rôle plus traditionnel, geek et avec ces gros bouquins, et ça c'est important que ça y reste parce que ça fait partie de l'ADN du jeu de rôle depuis ses débuts, mais voilà, il faut aussi être ouvert à ce qu'il y ait plus de choses qui émergent. Et c'est pour ça que je termine par ça, c'est parce que je trouve que c'est ce qui gêne aujourd'hui, c'est que il y a une certaine pression qui fait que dès qu'on sort un peu des carcans, c'est compliqué d'avoir une légitimité, que ça soit en tant que auteur de jeu ou en tant que joueur ou joueuse de jeu de rôle, de faire accepter que sa pratique elle est aussi légitime que celle qui est dominante. Je pense que c'est typiquement le genre de réaction qu'on a quand les gens disent que la théorie, c'est de la branlette ou que c'est de l'intellectualisation. Enfin, même si c'est vrai, hein, c'est un processus intellectuel, de toute façon. Mais c'est qu'il y a effectivement voilà, une peur de la nouveauté, une peur de la réflexion autour de qui on est. Et si on réfléchit à qui on est, ben, on peut-être devoir le remettre en question, tous et toutes. Hein. Et on le voit, on l'a vu avec les courants, notamment avec les différentes générations, quoi. Il y a les gens qui sont arrivés avec les idées de The Forge, et puis il y a plusieurs générations de joueuses qui se sont succédées avec leurs propres envies, où ils étaient peut-être parfois moins en opposition avec le JDR tradi, ou pas forcément sur tous les jeux. Il y a plein d'écoles qui se sont créées, quoi. Et au final, ça a peut-être généré beaucoup de conflits, quoi. Moi, je trouve ça plutôt salvateur, quoi, parce que ça nous pousse à réfléchir sur le média, quoi. Et si les jeux minimalistes ont un avantage, ben c'est qu'ils permettent de réfléchir sur le média, c'est-à-dire jusqu'où encore ça peut être un jeu. Je veux dire, est-ce qu'un jeu sur quelques mots, sur une carte d'un poème ou sur une page, est-ce que c'est encore un jeu, quoi ? Ça pousse à avoir des réflexions, quoi. C'est ce qui me semble important, quoi. Please come in and shut the door behind you.